Mardi 30 avril 2013, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous pour passer cette belle heure qu'on consacre à l'univers des arts visuels. Cette semaine à l'émission, Annie Zielinski vient nous parler de Goodbye La Salle qu'elle présente à l'établi. On rencontre Marie-Claude Gendron qui viendra nous parler de l'expo Vente Feu qui aura lieu les 3, 4 et 5 mai dans le complexe Méduse. Amélie Laurence Fortin nous entretiendra au sujet de l'exposition Expédition qui regroupe ses œuvres, celles de d'autres artistes comme mentionnera tout à l'heure au Cercle jusqu'au 27 mai. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et comme à l'habitude, Simon Roy nous a fait une sélection audio. Bonjour Simon. Bonjour Julie. Ça va bien? Très bien. J'en suis bien contente. J'en suis fort aise, voilà. Cette semaine à l'émission, on écoute, j'imagine, quelque chose d'italien. Oui, c'est deux artistes italiens qui ont fait un album split, donc se sont partagés la direction de cet album. Un album assez inquiétant. Les artistes tiennent à dire que c'est pas des pièces, c'est des rituels qu'ils ont enregistrés. Okay. Ça a été enregistré au mois de février dernier dans différentes pièces un petit peu partout en Italie. C'est de l'improvisation. Ça a été enregistré. Il n'y a presque pas de post-production. Donc, c'est vraiment tel quel comme ça s'est passé. Musique ambiante, expérimentale, justement, ça rappelle les rituels. L'album s'intitule Rituali Scarsi. C'est par, je vais massacrer un peu de l'italien, c'est Pioggia d'Ambra et Congeni Moderni. Donc, c'est ça, c'est un album vraiment mystérieux, vraiment inquiétant, comme je disais tantôt. C'est sur l'étiquette Petroglyph, une étiquette norvégienne qui compte au moins une centaine d'albums en téléchargement gratuit. Ça faisait longtemps que je voulais faire passer un album à l'émission. C'est pas toujours évident sur l'étiquette Petroglyph, mais j'ai enfin trouvé quelque chose qui pouvait passer à la radio. Donc, on écoute ça ce soir. Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On t'écoute à Web Musique dimanche à 21h. Et puis, en attendant, ben, on écoute Lamento Notturno sur les ondes de CKRL. De retour à l'aérospatial, Simon Roy avait raison, on a des ambiances, ma foi, fort inquiétantes. Et puis là, on a un tout autre type d'ambiance, on a un bébé en studio pour le temps de la chronique de Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Ça va bien. Puis le monde des arts visuels, lui, comment il va? Il va bien, il va mal, il est assez variable, si l'on peut dire. On commence, tiens, par une petite histoire qui nous vient de Montréal. Il y a eu un chassé-croisé autour d'œuvres spoliées du côté du Musée des beaux-arts de Montréal. Un bel hasard d'ailleurs d'une certaine façon, puisque d'un côté, eh ben on a hérité la collection du musée a hérité d'une œuvre qui a été léguée par un survivant de l'Holocauste, une œuvre qui lui avait été rétribuée après que les nazis eussent spolié le patrimoine de moult familles juives. Lui était venu s'installer à Montréal, en fait c'est la famille Jorichk, et fier de sa terre d'accueil, eh ben il avait choisi de léguer une partie de des œuvres de sa collection au musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors on a des œuvres spoliées qui entrent, et parallèlement on fait également état d'une œuvre que le musée a dû rendre à des descendants de victimes de l'Holocauste. Il s'agit d'une pièce de l'école caravagesque d'Utrecht de Gerrit von Honthorst qui avait été achetée en 69. Il y a eu enquête, analyse, regard, et finalement ils se sont rendus compte que ça faisait partie d'œuvres spoliées d'une ancienne collection. Alors ils ont fait sortir cette œuvre-là pour la rétribuer à ses ayants droit. Alors voilà, donc une œuvre entre, une œuvre mouvement. Ça m'avait peut-être un peu échappé, en fait. Disons que c'est des réflexions qui ont été beaucoup mis de l'avant au fil de la fin du mois de mars, du début du mois d'avril. Musée d'art contemporain de Montréal, qui, on en a parlé il y a quelques semaines, donc s'est vu adjoindre la Biennale de Montréal. Mais cette jonction-là se faisait dans un contexte quand même assez particulier au niveau de mouvement de personnel. Alors, c'est suite à l'arrivée notamment d'Alexandre Taillefer à la tête un peu du conseil d'administration du musée, donc avec beaucoup de réorganisation au niveau des objectifs budgétaires, des objectifs au niveau des ressources humaines, des ressources internes, des orientations du musée, et notamment au fil des dernières semaines d'avril, on a vu trois départs quand même assez importants: la directrice Paulette Gagnon, la chef des collections Marie Fraser, la directrice des communications Daniel Legentil, donc quand même beaucoup de gens qui ont quitté le musée. Alors quand même un contexte assez particulier de ce côté-là. Alors autant du côté de la Biennale que du côté du musée d'art contemporain, je pense que ça reste une situation qu'on doit garder un peu du coin de l'œil, voir ce qui va se passer, parce que c'est clair que l'année qui vient côté organisationnel va être quand même assez imposante là, de ce côté. On fait le saut, tu sais, on reste dans le coin de Montréal, mais on fait le saut vers les hôpitaux. Je tombais là-dessus en farfouillant dans la presse, et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est l'hôpital Maisonneuve Rosemont, qui est un petit musée. En fait, les locaux de l'hôpital qui contiennent quelques 600 œuvres d'art contemporain offertes à sa fondation depuis 7 ans par des galéristes, par des donateurs. Alors, ils ont décidé de publier un catalogue de photos d'une cinquantaine de ces œuvres-là. Et c'est quand même pas des œuvres de n'importe qui non plus. On parle d'œuvres de François Solé, de Marcel Ferron, Jacques Urtubise, Rita Letendre, Geneviève Cadieux, Claude Toussignan, Guido Molinari, Raymond D'April, Yves Gaucher, Serge Lemoine, Pierre Amiot, Marcel Barbeau. Et on en passe. Alors, c'est quand même assez intéressant. Et donc, l'idée, c'est évidemment de faire vivre un peu les murs de l'hôpital par l'art. Donc, d'offrir un contexte quand même particulier. Et parallèlement, ils ont décidé justement de donner accès à ceux qui ne sont pas patients à l'hôpital Maisonneuve à ces collections-là via donc une petite édition. Alors voilà pour ce clin d'œil. Et tiens, Julie, puisqu'on est dans des lieux non traditionnels pour l'art, je mentionne qu'il y a un abri antinucléaire de Tito qui a été transformé en musée d'art contemporain. J'ai trouvé ça assez rigolo. Là, c'est dans une montagne de Bosnie. Alors, ils cherchaient un endroit pour construire donc ce musée-là. Ils ont vu ce bunker-là. Ils ont réalisé que ça pouvait accueillir 350 personnes. Et évidemment, c'est quand même assez isolé, organisé, avec un certain éclairage. Bref, ils ont décidé d'en faire un musée, donc dans le registre de la récupération de lieux. Et ben j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Donc j'aimerais vraiment ça y aller là, l'ambiance, voir l'ambiance un peu là. Et surtout pour un musée d'art contemporain, on s'entend, donc ça donne quand même un ton qui est peut-être particulier aussi à la présentation des œuvres. Il y a pas de lumière, c'est des longs corridors. Alors assez particulier. Donc si jamais vous passez en Bosnie, vous irez voir ça. Et tiens, on termine en Europe toujours avec une petite controverse. Ça s'est beaucoup jasé au fil des 2-3 dernières semaines, et le journal Le Monde en fait un condensé, un survol que j'ai trouvé assez intéressant. C'est là qu'on peut voir l'influence et l'incidence dans des grands musées de certains choix artistiques qui sont réalisés. Donc dans ce cas-ci, c'est une exposition qui s'appelle De l'Allemagne 1800-1939 de Friedrich Ab Beckmann, qui avait ouvert au Louvre le 28 mars dernier. L'idée était de faire un pont entre la France et l'Allemagne, mais malheureusement, les Allemands justement ont regardé un peu ce qui était offert et ont dit ça n'a pas de sens ce que vous présentez. C'est beaucoup trop une image qui est liée au nazisme, à une part de l'histoire qu'on cherche pas nécessairement à mettre de côté, mais on cherche aussi à mettre en parallèle avec d'autres grandes périodes de notre histoire qui nous semblent oubliées dans ce contexte-là. Alors, beaucoup de critiques de ce côté-là quant aux choix artistiques, justement, qui ont été faits par les commissaires. Le Louvre qui a dû se défendre de ça, l'État français qui a dû se défendre de ça, c'est monté jusque dans les cercles diplomatiques. Alors, un survol assez intéressant du côté du monde. Et d'ailleurs, les liens, celui-là comme les autres, qui sont sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Merci Raymond. Vendredi, la vie en BD. Vendredi, la vie en BD, notamment, on parle d'un collectif de BDistes et sérigraphes qui font des autoportraits. Donc, exposition à Morgan Bridge également autour de ça. Alors, on va porter un petit regard là-dessus, entre autres sujets, vendredi. Voilà, on s'en va en pause. On écoute Rito Apotropaico 2. On est de retour à l'aérospatiale et on se déplace un peu du côté du cercle puisqu'il y a l'exposition Expédition dont l'initiatrice Amélie Laurence Fortin est au bout du téléphone. Bonjour. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Expédition, Amélie, c'est un projet dans lequel tu as demandé à des amis de partir avec toi en expédition de survie. Artistique, pas tout à fait. C'est ça, précise-moi. En fait, Expédition, c'est un projet qui est né, ben, en fait, d'une intuition, mais surtout d'un désir des six membres du projet de se rassembler ensemble, puis enfin de faire un projet collectif, parce que les six personnes, donc Blaise Carrier, Mylène Michaud, Payot Lissery, Christian Messier, François Simard et moi-même, sommes amis depuis très très longtemps, et nos travaux, au travers du temps, se sont toujours inter-influencés. Donc, c'était comme, en quelque part, nécessaire qu'on aboutisse à un moment donné à faire un projet amusant ensemble, puis un projet qui nous lie là, vers des projets futurs. Tu parles de nécessaire, pourquoi? Pour concrétiser un peu cette influence-là, pour faire quelque chose avec? Oui, tout à fait, pour pouvoir matérialiser des influences, matérialiser des amitiés, matérialiser plein de choses qui nous sont communes, en fait. OK. Puis, donc, ce projet-là, comment est-ce que vous y avez donné sa forme? Parce que je sais que toi, tu travailles beaucoup ces derniers temps, justement, sur la notion d'expédition. Donc, est-ce que c'est venu de toi un peu, cette idée-là? C'est pas moi qui a donné le thème, mais tu sais, c'est sûr et certain que dans mon esprit ça faisait sens, parce qu'effectivement on est six, parce qu'effectivement on est dans un projet, qu'on se lance dans une aventure en quelque part. Le thème de l'expédition est apparu de la bouche de François Simard, en fait, parce que on voulait trouver un moyen de d'avoir un projet qui relie nos pratiques, parce qu'on a tous des pratiques très personnelles, très singulières, très très concrétisées dans des sphères très différentes aussi. Donc, on voulait se trouver un milieu de rencontre où on pourrait travailler les six ensemble. Parce que travailler à deux, ça se fait, travailler à trois, ça se fait aussi, travailler à six, c'est une autre histoire. Donc, l'idée de l'expédition, c'était l'idée de faire une expédition à six. Donc, qui s'est pas réalisé tout à fait au cercle, mais c'est quand même un avant-goût très intéressant de ce qui va se poursuivre. D'ailleurs, c'est quand cette expédition-là? C'est où? C'est combien de temps? Ah oui, hein? Vous êtes curieux? J'ai des questions? Ben oui, certainement. Ben oui, c'est très excitant même pour nous, en fait, parce que comme l'idée a fleuri un peu, on va dire, ça faisait un certain temps qu'on se parlait, tout le monde ensemble, ça, puis on allait dans plein de directions, puis finalement, cette idée-là est apparue plutôt au début 2013, ce qui fait qu'on était dans un engouement avec des idées mirobolantes, et puis on ne savait pas trop comment le concrétiser vraiment. Donc, on était encore en planning. C'est l'exposition au cercle, en fait, c'est un peu l'idéalisation de cette aventure-là, l'idéalisation de cette expédition à venir. Puis, quand est-ce que ça va se passer? C'est sûr que ça se passera pas dans 10 ans, mais je peux pas vous dire que ça va se passer dans un mois, tu sais. Donc, c'est dans l'année, là. Ça s'en vient. OK, donc c'est pas encore déterminé complètement. C'est pas déterminé où, c'est pas déterminé quand, mais on est en train de placer tous les éléments pour que ça se fasse d'une façon très bien, comme une expédition réelle, tu sais, dans le fond. Puis en mode survie aussi, mais de ce qu'on me dit au cercle quand j'y suis allée, c'est que là, vous allez créer des objets utilitaires qui seront aussi en même temps comme des œuvres. Tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de penser la survie non pas comme on s'en va au Mountain Co-op, on va acheter des objets, on part pendant un certain temps, on va survivre dans la nature et on revient, mais c'est plutôt de créer ces objets-là qui seront à la fois des objets de survie qui nous aideront dans nos déplacements, dans notre expédition entre guillemets, et puis à la fois qui seront des objets esthétiques. Donc parce que évidemment les artefacts des expéditions, les raquettes des explorateurs ou peu importe, sont de très beaux objets quand on les regarde dans des musées ou dans des endroits comme ça, mais si on les crée nous-mêmes, on peut en revendiquer une touche esthétique encore plus grande. Puis c'est là-dedans que nous on tripe au fond, là. Vous allez vraiment jouer sur la frontière entre l'objet utilitaire et l'œuvre d'art, là. Vous allez vraiment vous situer tout à fait dessus. Tout à fait. Puis, ce que vous présentez au cercle en ce moment, c'est un peu, tu disais tout à l'heure, c'est une version comme idéalisée, c'est une version peut-être un peu naïve de ce qui est à venir, c'est vos regards personnels? Oui et non, dans le sens que il y a tous ces thèmes-là, toutes ces influences-là qui sont mélangées dans ce projet-là du cercle. Donc, à partir de cette idée qu'on voulait créer des objets, qu'on voulait créer des personnages, ben on est tous rentrés dans nos territoires d'imaginaire respectifs, quelles sont nos influences, quelles sont nos tentations avec le territoire, avec la carte, avec le paysage lui-même. Puis chacun est vraiment allé dans sa sensibilité à ce moment-là. Explorer les prémices, en fait, chacun dans sa sensibilité, mais tout à la fois dans un même thème. Puis d'ailleurs, en fait, tu disais, bon, vous allez travailler ensemble quand vous serez en expédition, mais toi, tu as travaillé avec Christian Messier, notamment, pour faire une vidéo. Mais oui, c'est extraordinaire. c'est vraiment une chouette aventure parce que moi c'est certain que le territoire tel quel, la relation au territoire, la relation on va dire performative au territoire a toujours été importante dans ma pratique depuis quelques années maintenant. Christian Messier aussi est beaucoup dans la performance, donc nous on a eu envie de tester en fait le territoire, de tester notre relation aussi au territoire, puis au baptême du territoire en quelque sorte. Donc ça a été vraiment intéressant comme expérience, oui. Tu as parlé de performance, Amélie Laurence Fortin, justement, là, il y a quelque chose de performatif ou d'un happening là, dans ce que vous allez faire. Tout à fait. C'est tout à fait super. Puis c'est aussi un peu pour ça qu'on est au cercle aussi en quelque sorte. C'est-à-dire que dans cette idée-là, de cette rencontre-là de plusieurs artistes qui ont déjà des carrières professionnelles dans des centres connus, etc., de cette idée-là de travailler ensemble, c'est de, puis de remettre tout plein de force ensemble, puis de travailler avec l'idée de l'exploration, puis du territoire, puis de l'expédition elle-même, ben il y a cette idée-là du happening qui revient. Puis les happenings n'ont lieu, en fait, je pense, que dans des endroits qui sont pas tout à fait institutionnels. Donc dans ce cas-là, le cercle était tout à fait parfait pour ça, là. Oui, effectivement, puis en même temps, ça permet de, tu sais, de se remettre à neuf un peu, là, donc de sortir du circuit, dans cette idée justement de travailler en équipe puis de ce projet-là. En tout cas, bref, réflexion. Ben oui, que j'avais, oui, mais je pense qu'on comprend bien là-dessus. outre la vidéo que tu présentes avec Christian Messier, bon, Peyo Illicéré, lui, a fait deux paysages assez monochromes. Oui, ils sont magnifiques d'ailleurs. Ça fait penser un peu à la collection du Musée des Beaux-Arts de Québec quand on s'en va dans les collections des peintures du début de la colonie. C'est magnifique. Oui, surtout des teintes aussi là qui semblent un peu fanées presque comme si la peinture avait passé le temps mais n'avait jamais été restaurée. François Simard, quant à lui, nous propose quelque chose qui est en lien avec les territoires, mais c'est peut-être un peu moins évident, là. Donc, une peinture chamanique. Et puis pardon? Tu pourrais dire une peinture chamanique. Une peinture chamanique? qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, la peinture de François, dans ce cas-ci, mais souvent, a quelque chose de très mystérieux, puis un peu incongru, puis à la fois rigide, puis il l'exprime bien dans ce jeu-là qui est fait entre deux peintures très très rigides dans la structure, puis à la fois une peinture très très éclatée à côté. Donc il y a quelque chose d'un peu magique dans son travail. Il y a quelque chose de la nature puis de l'organisation de la nature dans une certaine mesure. On peut le voir comme ça. Blaise Carrier-Chouinard, lui, présente une pièce audio où il a travaillé, je pense, à partir d'extraits de Jacques Cousteau. Oui, exactement. Peux-tu nous en parler un peu de ce qu'il a fait, de la manière dont il a monté ça? Parce que je pense qu'il a superposé des couches de discours. En fait, je ne sais pas comment Blaise a travaillé, je vais dire franchement, là, je ne sais pas du tout comment il a travaillé pour faire cette vidéo-là, mais avec tout son travail en DJ, tout son travail en son, c'est de cette façon-là qu'il travaille avec les couches successives, puis c'est avec des heures et des heures d'écoute. Blaise a un travail en vidéo de longue haleine quand même, puis son travail avec l'écoute est très, très grand. Donc, il s'est vraiment amusé à travailler avec ses parties favorites, avec ce qui l'étonnait le plus. Plus, en fait, dans le travail sonore de Cousteau. Puis, en terminant de présenter, bon, les pièces, parce que, bon, tu as fait un dessin aussi, un ours. Oui. Mais il y a Mylène Michaud qui, moi, ça m'a fait vraiment sourire parce qu'elle a tricoté des raquettes avec A et B, si je ne me trompe pas, puis à côté, une carte de type Google Maps. Tout à fait. C'est tellement extraordinaire, ce travail-là. C'est vraiment, vraiment super. En fait, Mimi est un peu restée plus près de l'idée de base, là, de créer des objets. Puis dans cette idée-là de création d'objets, elle a commencé par les raquettes, puis finalement, elle s'est intéressée à l'idée de la carte. Puis de travailler avec cette confrontation-là entre deux médiums qui sont un peu opposés, mais à la fois similaires, c'est-à-dire le tissu, la fibre est très pixel, en fait. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très pixel dans la fibre, mais à la fois, la fibre est un métier d'art. Donc, c'est pas vraiment la matière de la carte normalement, ce qui est assez intéressant, là. Et je reviens, en fait, t'as parlé bon, de fabriquer des objets, c'est tout à fait en lien avec ce que Mylène Michaud a fait, mais est-ce que vous allez emmener du matériel ou vous allez pas improviser là, avec ce qu'il y a là-bas? Non, ben en fait, qu'est-ce que tu veux dire par amener du matériel? Allez amener, je sais pas, du tissu, du carton, du tape, etc. Là, allez-vous non, amener comme... Non, pas du tout, en fait. Vraiment, le but de notre expédition qui s'en vient, c'est de partir au départ. Tout le monde se divise, en fait, les objets à construire. Donc, okay. Qui sont tous des objets, bon, c'est très simple, c'est une liste, en fait, une grande liste de tout ce qu'il faut pour survivre, disons, un certain temps, disons, une semaine dans la forêt. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Qu'est-ce qu'on a besoin? Et puis, on se divise en blocs. Puis ensuite, on construit tous les objets de chacun de nos côtés. Puis après ça, on arrive, puis les objets, ils vont être pour les six. Donc, si moi, je m'occupe des sacs à dos, ben je fais six sacs à dos. Si Mylène s'occupe des raquettes, par exemple, elle va faire six paires de raquettes, etc., etc., ainsi de suite. OK, donc ça ne sera pas sur place.

Et 18h, on entame la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Avant d'aller plus avant dans l'émission, je vous invite à visiter notre site internet, l'aérospatiale.wordpress.com, pour écouter l'émission en balado-diffusion, lire les communiqués, lire les articles de la revue de presse, trouver les liens pour le téléchargement gratuit des pièces de Simon Roy. Bref, pour une mine d'or d'informations et d'art visuel. Ouh, petit moment cucu. Alors, passons cette plug. La dame que vous entendez rire, c'est Marie-Claude Gendron. Bonjour. Allô. Tu organises avec Audrey de Merce-Roberge l'expo Vente Feu qui aura lieu en fin de semaine, en fait, les 3, 4, 5 mai. D'où vient cette idée d'organiser cette expo Vente-là? En fait, c'est les locaux de Sekia qui sont vides depuis 2011, si je me trompe pas. Ça fait quand même longtemps. En fait, depuis que je travaille à Méduse, je vois que ces locaux-là sont vides. Donc, je suis pas la seule à avoir eu un œil sur ces locaux-là, à se dire, ben, c'est dans Méduse, ils sont chauffés, éclairés, tout ça, ils cherchent à louer, mais pour l'instant, ils sont vides. Ils sont super beaux, mais ils sont super trash en même temps. Tu sais, ils ont pas été... parce qu'il y a plus rien, là. C'est ça a pas été retapé, là. Il y a eu la tapisserie d'arracher, il y a eu des trucs qui sont laissés là, entreposés, puis tout ça, mais c'est, la manière que c'est fait, c'est, je pense, qu'il y a 10 petites salles. Donc, c'est super compartimenté. Puis on a vu un potentiel, quand je dis « on », c'est Jeanne Couture, Hugo Nadeau, Boris Dumenil-Poulain qui travaillent aussi à Méduse. On avait fait un 5 à 7 là au début de l'année, puis on s'est dit « ben, il y a vraiment un potentiel avec ces salles-là. Il y a vraiment quelque chose à faire. » Donc, à partir de là, ça a germé. Ensuite, on s'est dit « bon, mais qu'est-ce qu'on fait? » On s'est dit, on va comme avoir chacun une initiative personnelle de partir un projet comme ça. Moi, je voulais... Avec Audrey, on parlait de ça, qu'on avait la misère à vendre du travail pictural qu'on faisait, tu sais, de la recherche qui reste de la recherche, mais qui en même temps, pour certaines personnes, ce dessin-là, ce collage-là, ça peut être un travail qui est super abouti, tandis que nous, on est un peu, je vais le garder chez moi, puis je vais continuer à travailler, puis tout ça, mais on avait vraiment envie de le montrer quand même, tu sais, d'avoir une espèce de plateforme, de montrer la recherche, pas juste en dessin, mais aussi dans des... En peinture, en sculpture, en illustration, j'imagine, en gravure, ouais. Etc. Ouais, ouais. Donc, voilà. Alors, on s'est dit, on va faire des démarches pour demander à Méduse, à la coopérative, est-ce qu'on pourrait emprunter les locaux pendant un petit événement comme ça, pendant 3 jours. Puis, ça n'a pas été... Méduse a quand même été assez réceptif à cette demande-là. Puis, on a fait quelques démarches là pour les assurances, etc. Puis, la logique normale, puis... Voilà. En même temps, vous assurez peut-être une visibilité aux locaux et qui sait, peut-être oui, que quelqu'un ben serait intéressé à louer. On a même écrit un argumentaire, une lettre qui disait ça, qui disait, ben... Pour Méduse, il y a juste des avantages parce que ces locaux-là sont pas loués, puis ils font des démarches, ils essayent tout ça, mais ça c'est juste pas loué. Fait qu'on s'est dit, ben coudon, les gens vont savoir au moins que ça existe, puis en plus, ben c'est pour la c'est en premier, c'est pour la visibilité des artistes qui sont exposés là. Ouais, c'est, ouais. Puis ce qui est super intéressant aussi, c'est la manière que c'est fait, en fait, d'intégrer le travail de chacun des artistes qui ont accepté l'invitation. Oui, c'est qui ça, parce envoyée. Que ça fonctionnait par invitation ou oui. Par appel de dossier? Ah de non, c'était ça. C'est un peu aussi contre cette idée-là d'appel de dossier avec un thème, avec un ben des contraintes de justifie-moi ta démarche, parce que toutes les personnes qu'on a invitées, il y avait quand même une bonne liste. Là. On a envoyé ça à 80 personnes. Puis c'est tous des collègues, des artistes, des amis, puis des gens qu'on sait qui ont une production ou qui sont aussi connus je pense à Sarah Smith qu'on connaît. Non, en fait, Bon, on peut penser à Sébastien Hudon, qu'on connaît comme journaliste, ouais, comme directeur de la bande vidéo, Alexis Degagné, historien d'art, qui est aussi artiste, directeur de la bande de vue, notamment. Oui, c'est ça. Donc, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement des pratiques... qui sont complètement orientés toujours sur les arts visuels. Puis qui n'ont pas cette visibilité-là. T'sais, mon exemple avec Sarah Smith, c'est on la connaît plus en performance, mais elle fait beaucoup de dessins aussi. Puis c'est intéressant que là, elle peut le montrer. Puis c'est comme de laisser ça super ouvert aussi. On n'avait pas de contraintes de... on t'invite. Ben, si tu dis oui, il va falloir que tu apportes tel travail, puis que tu le mettes... T'sais, il y a vraiment pas de travail de commissariat. On s'est fié, on a fait confiance aux gens qui ont en premier accepté de s'investir dans le projet, t'sais, en venant porter leur toile, leur travail. Puis à partir de là, c'est vraiment basé sur la confiance puis sur le bon jugement des gens qui travaillent en équipe, t'sais, en collectif, de dire bon, oui, parce que là, vous parlez de collégialité puis de collectivité. Donc là, comment ça va être organisé tout ça? Est-ce que vous laissez soin aux artistes de se placer? C'est exactement ça. C'est vraiment la seule structure qu'il y a, c'est l'organisation de telle date de montage. Puis on demandait aussi aux gens de nous dire à peu près qu'est-ce qu'elle allait exposer. Puis si une personne arrivait avec j'ai 4 toiles de 4 pieds par 4 pieds, ben on disait ben c'est pas arrivé là, mais on disait oh tu sais ça va prendre beaucoup d'espace. Puis ça s'est fait tellement naturellement, tout le monde a pensé aussi au fait que là il y avait 30 exposants, donc de pas apporter trop des gros formats ou d'en apporter plus, puis de voir sur place aussi au montage c'est quoi la place qui reste, c'est quoi qui serait intéressant. Fait que c'est vraiment un Je trouve que c'est quasiment une manœuvre, en fait, de tout le projet là, ouais, de montage, ouais. Parce que c'est tout ce qu'il y a, c'est une structure, les lieux sont là, sont gratuits aussi, puis le reste, ça arrive de soi-même, puis il y a des choses qui se créent aussi, il y a un échange, des discussions de « Ah, je mettrais plus ça comme ça », puis c'est comme un grand jeu, en fait, qu'on fait, on se fait plaisir, puis en même temps, on veut aussi faire quelque chose qui soit intéressant pour le public qui est pas souvent vu, en fait. Ouais, puis en même temps, mais ça fait quand même une belle vitrine là, pour des artistes. J'ai regardé les noms, il y a beaucoup de gens qui sont comme quand même dans la relève là, en art visuel. Ça doit pas être évident quand même là, d'avoir une diffusion, d'avoir des occasions de vendre à Québec, entre autres. Ben c'est ça qui nous questionne aussi, de c'est comment qu'on peut. Tu sais, il y a le centre d'artistes qui est assez institutionnel. Là, j'ai toujours institutionnalisé. Merci, je l'ai à ta place. C'est super. Donc, on s'est dit, on voulait faire un projet qui reste très, très, très, très simple, puis qui revient aussi au fondement du centre d'artistes, que tous les gens qui exposent, c'est tous des gens qui se connaissent. C'est pas nécessairement des bons amis, mais tu sais, c'est quand même, ils font partie de la communauté artistique. Puis, à la base, on voulait faire que ça, tu sais. Les gens ont une production, on le sait, ben on l'expose, on la diffuse, point, c'est tout. Puis c'est ça, c'est je pense que le centre d'artistes actuellement, il croule sous les demandes de subventions pour continuer à vivre, puis continuer sa programmation. Il n'y a pas nécessairement freinée. La place à la relève parce qu'il n'y a pas nécessairement les moyens de pouvoir le faire. Mais aussi, je pense que c'était pour la relève, mais on a lancé l'appel aussi à des artistes qui sont super établis, puis qui ont répondu vraiment avec, tu sais, je pense à Amélie, Laurence Fortin, justement, ouais. Qu'on vient d'entendre. Ce qu'elle m'a dit, je l'ai vu hier, puis ce qu'elle m'a dit qu'elle allait exposer, c'est elle avait pas envie de vendre rien, elle a écrit une phrase sur le mur. Puis elle m'a dit, même elle m'a demandé de l'écrire. Donc, okay. c'est pas seulement axé sur la vente, c'est vraiment sur l'expérimentation de... où je pense aussi à Anne-Christine Guy qui voulait faire une installation. Donc, elle est arrivée avec ses choses, puis elle s'est dit, si les gens veulent acheter, OK, mais tu sais, moi, c'est vraiment mon but, c'est m'amuser à le faire, puis de faire une installation dans la place, tout ça. Donc, je pense que ça joue sur plusieurs niveaux. OK, donc on n'est pas uniquement là, dans un petit marché là, dans lequel on va aller un peu comme le Salon Nouveau Genre, entre autres. Il y a de ça aussi. Il y a des gens qui voulaient vraiment... Il y a Charles-Étienne Brochu qui fait de l'illustration, qui lui, il fait un super de travail. Je pense que lui, c'est là pour ça, tu sais, c'est pour vendre, parce que c'est un super de beau travail qui mérite d'être montré, puis tout ça, puis... pas seulement dans les cafés, dans les brûleries où le public est pas nécessairement attentif à acheter, tandis que là c'est l'objectif assez principal dans le titre, c'est l'expo-vente. Donc les gens s'attendent à avoir du travail de la relève qui est quand même accessible, abordable, puis aussi pour des artistes qui ont pas toujours les grands moyens d'acheter des toiles à 300$, même si c'est un coup de cœur. Puis on vise aussi, je sais que le club de petits collectionneurs de Québec a été invité, donc ils vont venir faire un tour. Eux aussi vont avoir un autre regard sur ce qui va être exposé. Donc C'est vraiment une idée d'ouvrir ça le plus large possible, mais tout en pas en nivelant vers le bas, là, en ayant quand même une qualité de présentation. Dernière question, parce que le temps file. Marc-Claude Gendron, on a parlé du travail des autres. Toi, qu'est-ce que tu vas proposer? Moi, j'ai des fanzines avec la maison d'édition Cibo Escabeau. J'ai des petites sculptures aussi. Il y a comme des grandes bibliothèques qui sont laissées là. Je pense que c'est les bibliothèques pour mettre les CD. Elles sont super belles, sont super imposantes. Fait que c'est ça, là, j'ai mis deux, trois sculptures. Ben, des sculptures, c'est plus des petits objets. Puis j'ai deux dessins, un collage. Donc, c'est quand même assez varié. Ouais, ouais. J'ai pris des choses que je fais chez moi, que j'avais envie de montrer. Voilà. Voilà. Marie-Claude Gendron, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Donc, l'expo Vente Feu a lieu le 3, à compter de vendredi de 17h, j'imagine, à 21h. Peut-être un peu plus tard, là, on va voir comment ça va. De 17h à X, dans ce cas-là. Ouais, donc, on prend une chance. Puis, le 4-5 mai, donc samedi, dimanche, c'est de midi à 17h. C'est dans les anciens locaux de la station Sequoia à Méduse. Voilà. On s'en va en pause audio, on écoute la pièce de Host. Là, c'était The Host, un extrait de Rituel, en fait, de l'album Situali Scarci, une suggestion de Simon Roy. On s'en va à l'instant faire un tour à l'établi pour voir l'exposition Goodbye, la salle de l'artiste Annie Zielinski. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai prononcé le nom adéquatement? C'était parfait. C'est parfait, bon. Oui. Merci, j'en suis fort. j'avais peur de le prononcer tout croche. Non, c'est facile, c'est juste le Z qui fait peur, en fait. Ouais, ou tu sais, on se dit, est-ce que c'est Zie ou c'est Zi, mais bon, ouais, je suis allée vers la simplicité. Tu présentes Goodbye La Salle. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Ça résulte, en fait, d'une expérience que tu as vécue dans cet endroit-là. Oui, ben en fait, j'étais un peu mal pris, que je suis arrivée dans la ville de La Salle, qui est un arrondissement de Montréal, qui est dans le sud-ouest. Puis, pour ceux qui sont jamais allés, ça ressemble un peu à la banlieue, mais à Montréal. Puis, dans le fond, j'étais contrainte d'y vivre pendant à peu près un an. Fait que je me suis dit, tant qu'à pas apprécier mon moment, je vais essayer d'apprendre à connaître la région, puis à m'y intéresser un peu davantage. Donc, j'ai commencé à me trimballer dans les rues de La Salle. Après ça, j'ai commencé à faire du bénévolat. J'ai commencé à sortir à La Salle, dans les endroits qui me plaisaient plus ou moins, je dirais. Mais j'ai appris à vraiment découvrir une autre facette de la place. Donc, l'idée du projet, c'était vraiment de construire une relation positive avec quelque chose que j'appréciais pas à la base. Puis ça, cette idée de projet-là était venue dès le départ, en fait? Non, en fait, avant de faire le projet, j'ai habité à La Salle quand même quelques temps. Puis j'étais déménagée dans Rosemont, puis là j'ai dû retourner. Donc le projet est venu parce que j'ai eu un petit moment de découragement. Puis c'est venu un peu parce que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour apprécier le moment. Puis moi, ben dans le fond, ce que je fais, c'est de la photo surtout. Puis je me dis faut que je me mette en relation avec ce lieu-là pour pouvoir vraiment apprendre à pas juste le connaître, mais à me l'approprier surtout. Donc, par le biais, peut-être, c'est un peu, je dirais, à la limite de la performance, comment on dit ça, pas in situ, mais de la performance invisible. Là. Un peu comme, ouais, ou comme une sorte de résidence. Oui, mais c'est, ouais, on peut dire une résidence, j'aime bien ça. Donc, c'était un peu un genre de résidence d'un an. Puis, c'est vrai, ça a été vraiment progressif. Puis, c'est vraiment, en fait, le projet, tu sais, l'exposition à l'établi, c'est super le fun parce que c'est un peu la finalité du projet. Mais le projet en tant que tel, c'est vraiment un processus, donc, qui a duré un an. Fait que, dans le fond, le résultat, c'est un peu la documentation qui est à l'établi, plus aussi les paysages qui sont un petit peu plus mystiques, je dirais, là. Puis, parce que, t'as quelques paysages, quelques endroits, quelques gros plans sur des objets ou encore... Mm-hmm. Une mode de neige. Qu'est-ce qui a guidé ton choix de sujet? Ben en fait, j'avoue que j'ai pas, pour la première fois dans un projet comme... C'est le premier projet que je fais, en fait, que j'ai pas du tout de ligne directrice, outre que le fait d'être sur le territoire La Salois. Donc, il y avait pas de... Je me suis pas donné de restriction de... Que ce soit de matière, c'est-à-dire la pellicule, ou que ce soit du dessin, ou du texte, ou de sujet. C'était vraiment du glanage au début. Donc, il y a beaucoup de glanage là-dedans. Donc, des choses qui sont comme apparues, un peu comme du... C'était beaucoup de snapshots, là. Je prenais toujours ma petite caméra. Puis, il y a des moments où je prenais vraiment plus mon temps, où j'allais comme les paysages, où c'est vraiment plus des lieux que j'ai comme glané, mais que je suis retournée par la suite pour trouver le moment approprié pour les prendre en photo. Mais tu sais, les objets, c'était des objets spontanément qui, selon moi, parlaient vraiment de l'endroit, là, que ce soit la moumoute qui est à terre. Ben, avec les feuilles mortes. Ça décrit vraiment les gens qui sont là-bas, en fait. Ben, pas la moumoute, je veux dire, je dis pas que la salle, tous les gens portent et perdent des moumoutes à la salle, mais ça serait surprenant. Oui, ben c'était surprenant, mais en même temps, pas tant que ça quand on côtoie la communauté là-bas. Donc, elle est comment, hein, d'ailleurs? C'est multiculturel, c'est vraiment intéressant, c'est super chaleureux, tu sais, parce que au début, j'y connaissais pas du tout, parce que moi, je faisais juste le transit de chez moi au métro, puis quand je m'y suis attardée, bon, ben, c'est moi, tous mes voisins, c'est des Italiens à la base, donc j'ai pu m'enrichir un peu culturellement, puis c'est vraiment multiethnique, que ce soit, il y a une grande population d'Italiens, une grande population d'Indiens aussi, d'Haïtiens, donc, et de Polonais, j'imagine, avec mon... Donc, c'est vraiment multiculturel, puis il y a vraiment un bon réseau aussi d'entraide, je pense, à La Salle. Quand on s'attend, on le découvre, mais sinon, je peux pas dire non plus, par contre, que la population est typique, se réfère typique à mon type de population, c'est-à-dire jeune femme dans la fin vingtaine. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on retrouve à La Salle, là. C'est plus la famille, génération en génération, là, qui se retrouve là-bas. Puis l'exposition, en fait, prend une forme assez particulière où tu as un accrochage qui semble être guidé par des associations d'états, des associations de sentiments ou d'idées. Ah, mais je suis contente que tu aies vu ça. Oui, tout à fait. On l'a monté comme ça parce que c'était vraiment... Il y avait tellement de matière. Il a fallu vraiment que j'ai l'air parce que, dans le fond, toute la matière, beaucoup de matière se retrouve sur le blog du projet. Puis j'ai essayé de faire vraiment une espèce d'élagation pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui représentait le plus l'expérience comme telle. Puis on a décidé j'ai décidé avec une amie que c'était vraiment les états. Puis il y a vraiment une évolution dans l'état aussi du processus qui fait partie du processus. Donc au début, c'est vraiment plus la déprime, l'apitoiement à la limite. Par la suite, bon, c'est bon, on se promène, on essaie de reprendre un peu le dessus. Puis à la fin, c'est le divertissement, donc au scratch à la fin. Le bar, mais oui. Exactement. Donc il y a vraiment un processus. Oui, j'ai décidé de le faire selon ce processus-là pour qu'on comprenne bien l'état qui évolue. Puis est-ce que c'est, au final, est-ce que c'est des œuvres qui sont présentées de manière chronologique ou tu as réorganisé le tout? C'est pas tant chronologique. Ben, un peu chronologique quand même, mais je me suis permis vraiment un peu comme dans le processus de prise de vue puis de création de vraiment les redisposer, mais je dirais que c'est pas mal chronologique, mais il y a quelques éléments qui le sont peut-être pas, parce qu'il y a eu des moments qui étaient peut-être pas nécessairement vers la fin du processus où j'avais hâte de partir, même si j'étais contente de ce qui s'était passé puis de ma relation finalement avec la place, parce que l'idée première c'était vraiment de devenir nostalgique, de devenir mélancolique en partant, de dire ah j'ai tellement aimé ça, peut-être que je devrais rester. Donc c'était ça un peu l'idée, mais à la fin Ça a pas tout à fait fonctionné. Ben, ça a un peu fonctionné, mais je peux dire que sans me sentir lassalloise, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc, j'ai vraiment pris le dessus sur cette année-là qui a été, somme toute, intéressante. Annie Zelinski, tu parlais tout à l'heure d'un blog. C'est quelque chose qui m'est vraiment venu à l'esprit, en fait, quand j'ai visité l'exposition, notamment avec l'importance qui est accordée aux mots. Oui. Oui, en fait, le blog est venu un peu justement parce qu'au début, quand j'ai fait le projet, c'était l'idée des paysages pas mal urbains, un peu vides, mystérieux. Puis je me suis dit que la documentation du projet, de tout le processus d'aller vers ces paysages-là était presque plus importante, pas plus importante, mais qui était aussi importante que le résultat des paysages tels quels. Puis je me suis dit que ça serait le fun de le partager. Puis j'ai décidé d'utiliser le blog parce que je pense que le blog, c'est accessible. Les gens peuvent le consulter de la maison, dans le quotidien ou pas. Puis ce qui était le fun aussi, c'est que j'avais fait une section pour les résidents, là, les gens qui veulent partager leur... soit les résidents ou les invités, les personnes que j'ai invitées à venir passer du temps avec moi à la salle pour qu'ils écrivent leur propre expérience de la place. Ah ouais? Pour pas non plus avoir le monopole de moi puis mon petit... au début, là, mon regard un peu, je dirais, négatif, mais finalement qui est un petit peu positif à la fin. Mais quand même, c'est le blog, je trouvais ça le fun pour au niveau de l'échange, parce que dans le fond, à un moment donné, j'ai décidé de faire une petite propagande, là, donc envoyer des flyers un peu partout à la salle avec les images du blog, puis étamper le blog en arrière pour que les gens aillent, inciter les gens à aller donner leur opinion sur la ville. Là. Donc, il y a eu quelques personnes qui sont allées. Je trouvais ça intéressant comme échange. Donc, le blog, c'est accessible, c'est le fun. C'est aussi l'idée de la temporalité du projet. Donc, ça, c'est important aussi. Je pense que le blog, ça arrive bien. Est-ce qu'il existe encore le site du blog? Peut-être oui, le blog existe l'adresse. Encore. Oui, c'est goodbyelassalle.wordpress.com. Puis, ben là, je le mets plus à jour parce que j'ai décidé de... Ben c'est ça, je trouvais que c'était le fun quand même, qu'il y ait une finalité. Donc, mais vous pouvez toujours aller le visiter puis écrire des commentaires. C'est encore accessible. Si on revient un peu à l'exposition, bon, il y a des photos, au mur, il y a des mots également, mais il y a aussi des boîtes lumineuses. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi certaines photos pour les boîtes lumineuses et les autres au mur? Ben en fait, les photos qui sont dans les boîtes lumineuses ont été faites en pensant un peu à cette idée-là. Donc, contrairement à la documentation qui était vraiment glanée, les paysages étaient... Je les ai choisis parce que ils représentaient... Je pense que les paysages représentent bien mon état initial quand j'ai commencé le projet. C'est-à-dire, je dirais que je me sentais un peu comme une étrangère, un peu quand on arrive sur une planète qu'on connaît pas, là. Puis les paysages, je pense que c'est un petit peu ça que j'essayais de montrer dans ces paysages-là. C'est très vide, c'est minimaliste, on devine pas tout le temps on est où, c'est quoi. Puis, en même temps, c'est super commun. Là, on parle de neige avec des lampadaires. Il y en a partout à Montréal, il y en a partout à Québec. Je dirais, il y en a partout, dans le fond. Mais j'ai vraiment essayé de donner une ambiance à ces boîtes lumineuses-là, à ces paysages-là, justement, pour plus parler de mon état initial. Puis ils sont mais je les ai vraiment conçus dans cette idée-là. Plus. Puis, un caractère un peu plus esthétique aussi. Là, j'imagine que tu as pris pas mal plus de temps, le cadrage, etc. Oui, c'est ça. Les autres, ils font plus de sens entre elles. Donc, contrairement aux autres images qui sont complètement disparates un peu partout, là, qui partent dans tous les sens, que ce soit du collage ou... Mais j'ai oublié, je pense que j'ai pas bien répondu à votre question sur les mots, mais je pense que les mots, c'est important dans le contexte de l'histoire, parce que dans le fond, c'est une narration. Puis c'est bien de donner un petit peu plus, je trouve, d'informations, parce que l'idée, c'était vraiment de parler de ma vision sur la place et non de se faire une interprétation de ma vision nécessairement sur la place, contrairement... Oui, comme l'idée de guider le regard, le spectateur. Oui, c'est ça. Donc, les mots, je pense que... Ben, d'un, j'aime beaucoup les mots, mais je trouvais que c'était vraiment... Ça venait vraiment souligner certaines petites choses qu'on voyait pas nécessairement dans les images. Ben, Annie Zelinski, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Donc, Goodbye, la salle est présentée à l'établi jusqu'au 18 mai. On fait une dernière pause audio. On écoute Deep Touch. We'll be right back. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette édition de l'Aérospatiale. Je remercie Jacques Juniac pour son travail à la mise en onde, mes invités et mes collaborateurs. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée qui débute avec Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL.